Donc, on va probablement être capable de terminer notre chapitre 15 ce soir et clôturer cela. Et la semaine prochaine, on fera le chapitre 16. Je pense d'emblée, là, on va faire tout le chapitre dans un shot, parce que c'est pas mal toute la même chose. Mais ce soir, on va essayer de terminer la fin, je dirais, des raisons pourquoi Paul croit que tout le monde est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Donc, on va commencer par la prière, si vous voulez bien. Notre bon Père du ciel, nous sommes reconnaissants que tu as justifié, frères et sœurs, pendant toute l'histoire de l'Église, dans toutes les cultures, dans toutes les générations, par la foi, sans les œuvres de la loi. C'était la seule façon pour que tu sois le seul à être glorifié. C'était aussi la seule façon pour qu'on puisse être justifié par la foi. Donc, guide-nous ce soir, afin qu'on puisse bien comprendre les derniers arguments de l'apôtre Paul en faveur de cette déclaration. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. Amen. Donc, toute cette longue épître de 16 chapitres en faveur de la foi, de la justification par la foi, sans les œuvres de la loi. Et d'emmener tout le monde à voir dans l'Église, tous les croyants, à se voir égaux. Que tous les croyants se perçoivent comme étant tous également privilégiés et tous bénis de la même façon et tous aussi une même espérance. Donc, c'est un tour de force divin d'emmener tout le monde à se voir pareil. Dans nos cultures, on met un paquet de barrières, un paquet de différences entre nous et on se case, on se catégorie les uns les autres, mais Dieu dit, vous êtes tous mes enfants également, et donc je vais vous bénir également aussi. Donc, on a terminé les dernières semaines avec les deux vidéos sur « Accueillez-vous les uns les autres ». Accueillez ceux que Dieu accueille dans son peuple. Et l'apôtre Paul a fait ressortir, « Si vous n'accueillez pas ceux que j'accueille, c'est moi que vous rejetez. » Donc, c'était l'argument de Jésus, c'était l'argument à travers les Épîtres aussi. « Si vous rejetez celui que j'envoie, vous me rejetez moi. » C'est le même principe de base. Donc, Dieu accueille des hommes et des femmes dans son peuple. Si moi, je les rejette, je rejette celui qui les a accueillis. Et ça me disqualifie automatiquement. Si je rejette Dieu, ça me disqualifie, moi, qui fais ce geste-là. Et donc, l'apôtre Paul, ce soir, a dit, en terminant au chapitre, dans le chapitre 15, ce qu'on a vu la semaine passée, il dit, « J'ai choisi des Juifs, je les ai accueillis à cause de leur père, mais j'ai accueilli aussi toutes les nations. » Il avait sorti plusieurs versets dans les psaumes, dans les livres des prophètes, des versets qui disaient que Dieu sauverait des hommes et des femmes de toutes les nations et que tous ensemble, d'un même corps, étaient pour glorifier Dieu ensemble. Parce que le but de l'Église, ce n'est pas le salut des hommes. Le but de l'Église, c'est la gloire de Dieu. Par le salut des hommes, en sauvant des hommes. Mais le but de tout cela, c'est la gloire de Dieu. Donc, il dit, une des façons que vous allez glorifier Dieu, c'est de démontrer par vos gestes et par vos paroles que Dieu a sauvé des hommes et des femmes de toutes les nations de la même façon, par la foi, dans les œuvres de la loi. Et on arrive au verset 14 de l'apôtre Paul qui va parler de son ministère, il va emmener son appel au ministère, son appel comme apôtre, comme étant une façon de manifester l'entrée des païens dans le peuple de Dieu de la même façon que tous les autres. Donc, les païens n'ont pas été Quelque chose qui t'est arrivé par hasard, quelque chose qui est arrivé par accident. Non, c'était quelque chose de planifié de toute éternité. Et on va voir que Dieu a, il y avait des apôtres, comme on peut dire, l'apôtre Pierre était l'apôtre des Juifs, mais Dieu aussi avait en réserve un apôtre pour les païens. Okay, donc, Dieu n'a pas minimisé l'effort ou l'appel des païens. Donc, si vous voulez bien, vous allez, on va lire à partir du verset 14. On va lire jusqu'au verset. Verset. Je pense 21 ou 22, là. OK, on va lire à partir d'Isabelle, Daniel et Patrick. Là, tu as parlé du chapitre 15 au début, puis après ça, tu as parlé du chapitre 14. Fait que là, je suis un petit peu. On C'était le est-tu verset. rendu? Oui, là, on est au verset 14 du chapitre 15. OK, c'est ça. OK? Je voulais être certaine. C'est beau. Pour ce qui vous concerne, mes frères, je suis moi-même persuadée que vous êtes plein de bonnes dispositions, remplis de toute connaissance et capables de vous exhorter les uns les autres. Cependant, à certains égards, je vous ai écrit avec une sorte de hardiesse, comme pour réveiller vos souvenirs à cause de la grâce que Dieu m'a faite. D'être ministre de Jésus-Christ parmi les païens, m'acquittant du divin service de l'Évangile de Dieu, afin que les païens lui soient une offrande agréable, étant sanctifiés par l'Esprit-Saint. J'ai donc sujet de me glorifier en Jésus-Christ pour ce qui regarde les choses de Dieu. Car je n'oserais mentionner aucune chose que Christ n'ait faite par moi pour amener les païens à l'obéissance par la parole et par les actes, par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu, en sorte que, depuis Jérusalem et les pays voisins jusqu'en Illyrie, j'ai abondamment répandu l'Évangile de Christ. Et je me suis fait l'honneur, ou je fais honneur d'annoncer l'Évangile là où Christ n'avait point été nommé, afin de ne pas bâtir sur le fondement d'autrui, selon qu'il est écrit, ceux à qui il n'avait point été annoncé verront, et ceux qui n'en avaient point entendu parler comprendront. C'est ce qui m'a souvent empêché d'aller vers vous. On va arrêter cela. On va terminer après L'apôtre Paul va amener son ministère comme étant pour, je pourrais dire, rehausser aux yeux des Juifs la valeur des païens. Nous, on est des païens. Donc, on serait affecté du fait que les Juifs ne nous verraient pas comme des égaux. Okay? On est des païens. Donc, l'apôtre Paul, ici, rehausse notre position, non pas plus haute que les Juifs, mais au même niveau que les Juifs, pour qu'on puisse se voir égal les uns les autres et qu'on puisse ensemble glorifier Dieu d'un même cœur et d'une même bouche. Donc, il dit, je sais, mes frères, que vous êtes pleins d'une bonne disposition, mais remplis de toute connaissance, capables de vous encourager ou de vous exhorter les uns les autres. Cependant, au verset 15, à certains égards, je vous ai écrit avec une sorte de hardiesse pour réveiller vos souvenirs à cause de la grâce que Dieu m'a faite. Donc, l'apôtre Paul rappelle quelque chose aux gens pour qu'ils se souviennent. Et ce qu'il va ramener, c'est son appel au ministère parmi les païens. Okay? Il dit, avez-vous oublié l'appel que j'ai reçu en tant que je dois être apôtre des païens? Donc, Dieu m'a choisi d'une façon très spéciale, moi, un juif, pour que je devienne l'apôtre des païens. Donc, c'est ça qu'il dit au verset 16, d'être ministre de Jésus-Christ parmi les païens. Et là, il dit, je m'acquitte du divin service de l'Évangile. Il met son service comme étant, il donne un attribut de divin. Ça veut dire quoi pour vous, ça? Un divin service de l'Évangile de Dieu. C'est Dieu, il le fait pour Dieu, puis ça vient de Dieu. Donc, c'est ça. Donc, il dit, le service que je fais, d'annoncer la bonne nouvelle de Dieu, ce service-là, je le fais mandaté par Dieu. C'est un service divin dans le sens qu'il m'a été confié par Dieu lui-même. Donc, c'est Dieu qui m'a choisi, puis il va l'emmener comme argument dans différentes épîtres. Il va dire « apôtre de Jésus-Christ, serviteur de Dieu ». Il va l'emmener comme argument à quelques reprises pour mettre un peu de poids aux paroles qu'il va donner. « J'ai été envoyé par Dieu lui-même. J'ai été choisi par Dieu lui-même. Des fois, il va dire « j'ai été appelé, mis à part avant le début par Dieu » pour faire ce travail de ministre-là ou de service auprès des païens. Donc, il dit, c'est pas moi qui ai décidé, c'est pas à cause que j'étais né en Cilicie ou que j'étais né en dehors de Jérusalem que j'avais à cœur les Juifs. Donc, il aurait pu dire, vu que je suis un Québécois, j'ai à cœur les Québécois, mais non. J'ai dit, c'est pas à cause que que je tiens mes origines en dehors d'Israël. Mais j'ai reçu un appel de Dieu direct et j'ai été envoyé par Jésus direct. Donc, je dis, je suis ministre de Jésus-Christ, donc apôtre de Jésus-Christ et aussi serviteur de Dieu auprès des païens. Donc, il ne peut pas avoir reçu un mandat plus élevé que ça. Donc, il dit, le ministère que je fais auprès des païens, c'est... il ne peut pas avoir plus haut. Il ne peut pas avoir mieux que ça. Le ministère que les apôtres ont eu auprès de vous, les Juifs, surtout, ne peut pas être plus haut. Pas à cause que vous avez... Les apôtres ont été envoyés par Jésus, mais moi aussi, j'ai été envoyé par Jésus. OK? Les apôtres sont des serviteurs de Dieu, mais moi aussi, je suis un serviteur de Dieu. Donc, il dit, mettez-nous comme égal. Il dit, afin que les païens soient une offrande agréable, étant sanctifiés par l'Esprit Saint. Donc, il voit son ministère auprès des païens comme une offrande agréable. N'as-tu qu'il y a une autre traduction proche? Il me semble que j'avais une manière de le faire, là, je ne le vois plus. Parce que je sois ministre du Christ Jésus envers les nations, exerçant la sacrificature dans l'Évangile de Dieu, afin que l'offrande des nations soit agréable. OK, donc, c'est comme Paul voit son ministère comme il offre à Dieu une offrande. Il fait à Dieu un sacrifice d'adoration ou de louange ou d'action de grâce. Mais je dirais plutôt que c'est un espèce de sacrifice d'adoration à Dieu, d'amener les païens à se convertir pour qu'ils deviennent des serviteurs de Dieu. Il veut qu'ils soient sanctifiés pour qu'ils puissent servir à la gloire de Dieu. Et ça, c'était, moi, je dirais que c'est la bonne manière de voir l'évangélisation. Ça devrait être la motivation qu'on a quand on partage l'évangile. Souvent, on met trop d'emphase sur ma motivation, c'est le salut des âmes. Mm-hmm. Ça ne devrait pas être la grande motivation. L'apôtre Paul, il dit, j'ai un ministère auprès des païens, c'est parce que je veux offrir à Dieu une offrande agréée ou agréable et quelque chose qui va rendre gloire à Dieu. Donc, il pense à Dieu en amenant... Ben, si on prend, c'est un langage, Daniel a lu un peu de sacrificature, là. Donc il a mis un langage beaucoup de temple, qui vient du temple. C'est que la personne qui rentrait avec un sacrifice dans le temple, ben, il s'en allait vers Dieu. Hein? Il voulait aller offrir à Dieu quelque chose. Donc, c'est pareil que moi, si je prendrais un païen, ben, ça serait la même chose, Pierre, avec un juif, là, ça serait la même affaire. Je prends un païen et je l'emmène l'offrir à Dieu. Comme sacrifice. Pour moi, c'est une belle image. Mm-hmm. Et pour moi, l'évangile devient un évangile théocentrique. Mm-hmm. Très théocentrique. J'ai à cœur la gloire de Dieu et je lui emmène un païen pour le glorifier. Pour que lui soit glorifié d'avoir sauvé le païen, d'avoir exercé miséricorde envers le païen et en même temps, d'offrir à Dieu un autre prêtre ou un autre sacrificateur qui va le servir à son tour dans le temple spirituel qu'on est, l'Église. Donc, je trouve ça très bien comme idée. Et pour nous autres, ça semble un peu comme normal, mais pour un juif, de penser qu'on pouvait offrir un païen à Dieu comme sacrifice, c'était un peu nouveau. C'était un peu nouveau. Okay? C'était un peu nouveau. Puis ça devait. Il devait se dire, ouais, ben, Dieu est grand. Dieu est bon d'avoir sauvé aussi un païen. Vous vous souvenez de la réaction? Quand Pierre est revenu de chez Corneille, et Corneille avait été sauvé avec sa gang, sa parenté un peu. Et quand l'apôtre Pierre est venu et qu'il a expliqué à l'Église ce qui s'est passé, souvenez-vous la réaction de l'Église? C'est-à-dire qu'ils glorifièrent Dieu. Ils glorifièrent Dieu d'avoir accordé la repentance aussi aux païens. Donc, ils sont reconnaissants à Dieu et glorifient Dieu de sa grande miséricorde d'avoir accordé la repentance et la grâce aux païens aussi. Donc, Dieu tirait de la louange de cela. Je crois que c'est la pensée qui est derrière le verset ici. La même pensée. C'est ça qu'il dit au verset 17. « J'ai donc sujet de me glorifier en Jésus-Christ pour ce qui regarde les choses de Dieu. » Donc, il dit, j'ai raison de me glorifier ici, dans le sens d'être fier de mon ministère, de me réjouir, oui, c'est bien, Daniel, de me réjouir du ministère que j'ai en ce qui concerne les choses que je fais pour Dieu. Parce que si mon ministère, si l'œuvre que je fais, peu importe que ce soit dans l'Église ou en dehors de l'Église, si je ne le fais pas pour glorifier Dieu, il y a quelque chose qui manque à quelque part. Hein? Il y a quelque chose qui manque. On n'a pas une motivation correcte si on ne le fait pas pour la gloire de Dieu. Et là, il dit, « Car je n'oserais, au verset 18, je n'oserais pas mentionner une chose si Christ ne l'avait pas faite par moi pour amener les païens à l'obéissance par la parole et par les actes. » Donc, il dit, « Je n'oserais pas mentionner ce que je fais, ce que j'ai fait, si ce n'était pas Christ qui l'avait fait par moi. OK? Donc, Paul, il dit, vous devez accepter le fait que les païens sont devenus obéissants à l'Évangile, et vous devez comprendre, ce n'est pas moi qui l'a fait, c'est Christ qui l'a fait à travers moi. Si j'objectez à mon ministère d'apôtre auprès des païens, vous êtes en train de vous objecter à ce que Dieu, Jésus-Christ, est en train de faire par moi. Moi, je suis un outil dans les mains de Jésus-Christ. Donc, vous devriez accepter mon ministère auprès des païens parce que c'est Christ qui le fait à travers moi. OK? Donc, je crois que c'est un argument qui est très intéressant de la part de Paul de penser cela. C'est Jésus-Christ qui m'utilise pour faire l'œuvre auprès des païens. Donc, vous devriez accepter cette œuvre-là. Et les païens qui sont sauvés par mon ministère, vous devriez les accepter parce que c'est Jésus-Christ qui les sauve en m'utilisant moi. OK? Donc, c'est un bel argument, je dirais, en faveur d'accepter les païens que Jésus est en train de sauver par l'apôtre Paul. OK? Par l'apôtre Paul. Donc, c'est intéressant de le voir comme cela. Il dit, à la fin du verset 18, « Par les paroles, donc sa prédication, et par les actes, et par les actes, il rajoute au verset 19, « Par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu. » Donc, il est en train de dire, « Dieu montre qu'il est d'accord avec mon ministère parmi les païens parce qu'il fait des miracles par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu qui est avec moi, par sa puissance, fait des miracles. » Donc, moi, je ne suis pas capable de faire des miracles. Donc, si Dieu fait des miracles, par moi, par mes mains, par la puissance de l'Esprit, il est en train d'approuver le ministère que je fais. Et vous vous souvenez, dans le grand argument dans les Actes des Apôtres, au chapitre 15, quand il y a une remise en question par rapport aux païens, on tentait de dire, est-ce que les païens doivent être circoncis ou devraient obéir à la loi? Un des arguments de Paul et Barnabas, c'est il parle des miracles que Dieu a fait par leurs mains auprès des païens pour démontrer que Dieu était très d'accord à leur ministère parce que Dieu fait des miracles. Hein? Ouais. On a souvent parlé que Dieu avait fait, les apôtres ont fait des miracles, ça donnait de l'autorité à leurs paroles. Mais si Paul emploie le même argument pour donner une autorité à son ministère parmi les païens, si mon ministère n'aurait pas été voulu par Dieu parmi les païens, ben il ne m'aurait pas envoyé comme apôtre, il n'aurait pas sauvé des gens, puis il n'aurait pas fait de miracles. Okay? Donc, c'est l'argument en faveur de son ministère auprès des païens. Donc, c'était... Et on le voit, c'est ça que je vous ai dit, quand on lit les Actes, c'est bon de référer aux Actes pour voir qu'est-ce qui se passe dans les Actes, pour voir si on voit dans les Actes se passer ce que je vois que les apôtres parlent dans leur épître. Okay? Donc, ici, ils parlent, mais on retrouve facilement tout ce stratège qui s'est passé dans les Actes des apôtres pour que les païens soient acceptés dans l'Église de la même façon que les Juifs, avec la même autorité que les Juifs, avec la même valeur que les Juifs, avec la même bénédiction de la part de Dieu que tous les autres. On avait vu qu'il y avait eu la même idée avec l'Éthiopien dans le chapitre 8. Un noir qui vient d'Éthiopie, ministre de la Gazas, un eunuque. Vous savez qu'un eunuque n'avait pas le droit de rentrer dans le temple anciennement. Donc là, Philippe, Dieu envoie Philippe, il l'amène auprès d'un eunuque qui est un noir et il le convertit. Et donc Dieu dit, j'accepte les noirs, même les eunuques dans mon peuple. Donc vous ne devez pas fermer la porte du temple quand l'eunuque veut rentrer dans le temple. Okay? Parce qu'il est accepté maintenant. Donc, il vient dans l'Église en tant que noir, puis même s'il sera eunuque. Vous devez l'accepter au même titre que les autres. Au même titre que les autres. Et c'est très important et très intéressant de voir ça aussi. Et il dit au verset, « Ainsi, depuis Jérusalem et les pays voisins, jusqu'en Illyrie, j'ai abondamment répandu l'Évangile de Christ. » Donc, c'était son ministère qui a fait, qui explique. Au verset 20, 21 et 22, il parle que Paul avait à cœur d'aller chez lorsqu'il n'y avait pas eu d'évangile. Vous vous souvenez que c'était l'argument du chapitre 1. Je ne suis pas allé vers vous à Rome parce que je me devais aux barbares et aux ignorants. Okay? Si je suis allé parmi ces gens-là et non pas parmi les Juifs, c'était mon ministère d'aller vers les non-juifs, ceux qui n'avaient jamais entendu. Ça ne veut pas dire que Paul ne rentrait pas dans les synagogues, ça ne veut pas dire qu'il ne parlait pas à des juifs, c'était le privilège de le faire. Mais son désir, c'était d'aller là où il n'y avait pas d'église, là où il n'y avait rien, de commencer. Et il prend les Écritures, ce coup-ci. Vous voyez, il a pris Jésus, il a pris Dieu, il a pris les miracles comme argument. Là, il prend les Écritures comme argument en faveur de son ministère parmi les nations. Il dit, comme il avait été écrit au verset, au verset 21, ceux qui n'avaient pas été annoncés verront, ceux qui n'avaient point entendu parler comprendront, c'est ce qui m'a souvent empêché d'aller vers vous. Donc, il y a un écrit parmi les prophéties de l'Ancien Testament qui annonçait que l'Évangile, la bonne nouvelle de Dieu sera annoncée à des gens qui n'avaient jamais vu, jamais entendu les choses de Dieu. Ils n'avaient jamais entendu la loi, ils n'avaient jamais entendu parler de ces choses-là. Et on a l'exemple un peu dans le Testament comme avec Jonas. Hein? Dieu avait envoyé Jonas à Ninive, donc une ville complètement païenne. Ça, il ne tentait pas, mais il n'a pas eu le choix. Je comprends. Voyez-vous l'idée à quel point ça pouvait être dur pour un juif? Jonas est un juif comme les autres, là. Et pour lui de se faire dire par Dieu, va annoncer l'Évangile chez les païens, à Ninive, qui étaient les ennemis d'Israël, Puis il dit, va leur prêcher la repentance, appelle-les à la repentance et à se convertir. Il ne veut pas y aller. Il ne veut juste pas y aller. Puis là, quand Dieu sauve la ville, il est enragé. C'est pour ça que je ne voulais pas venir. Je savais que tu es sauverain. Je savais que je ne voulais pas venir à cause de ça. C'est pour nous autres, c'était un peu bizarre, mais moi, j'ai connu un croyant. Il était tellement anti-divorce et anti-remariage, il ne voulait pas annoncer l'Évangile à des divorcés. Oh. Ah, c'était vrai, là. Je ne vous dis pas ça de même, là. C'était vraiment ça, là. Parce qu'il dit, un coup qu'il arrive dans l'Église, on ne sait plus quoi faire avec eux autres. Il n'avait pas le droit de se remarier. Puis, ils se sont remariés, puis là, on arrive dans l'Église, c'est des divorcés, qu'est-ce qu'on fait avec eux autres? Vois-tu, il mettait une barrière que Dieu n'avait pas mis, puis il était rendu au point qu'il ne voulait plus annoncer l'Évangile à des gens qui étaient divorcés. Quand il savait que c'était des gens divorcés, il ne voulait plus y aller, il hésitait à y aller. C'était dur pour lui d'aller dans cette direction-là. Mais pour un juif, d'aller vers les païens et de leur offrir le même salut qu'à eux, le même privilège qu'à eux, il trouvait ça excessivement difficile. Excessivement difficile. De se penser spécial par rapport aux autres, j'imagine? Ou pourquoi il trouvait ça difficile? Parce que pour eux autres, ils se voyaient comme le peuple choisi de Dieu, qui hériterait eux autres de toutes les nations, qu'ils deviendraient le peuple dominant sur tous les peuples de la terre. Mais si tous les peuples ont le même privilège qu'eux autres, ils sont juste un peuple parmi tant de peuples. Mm-hmm. Donc, ils ont plutôt vu l'annonce de Dieu, de la délivrance, comme quelque chose d'anthropocentrique. C'était pour eux. Ils voulaient que le Messie vienne, ils voulaient que le Messie amène la prospérité pour eux, pour leur bénéfice. Au lieu de voir que la gloire de Dieu sera manifestée encore plus si l'Évangile, le salut s'étendait à toutes les nations de la terre et que Dieu serait glorifié par toute la terre. C'est un peu comme égoïste pour eux autres. Là. Au lieu de le voir que « Hey, c'est fantastique si Dieu pourrait sauver aussi tous les païens et que tout ce monde-là va glorifier notre Dieu. » Il aurait dû se réjouir, OK, dans ce sens-là. Et là, au verset 23, il va parler de l'avenir. Comme il avait dit au verset, dans chapitre 1, il parle que maintenant, il va aller les voir. Et finalement, il va. Donc, on va lire à partir du verset 23, Isabelle. Mais maintenant, n'ayant plus rien qui me retienne dans ces contrées et ayant depuis plusieurs années le désir d'aller vers vous, j'espère vous voir en passant quand je me rendrai en Espagne et y être accompagné par vous après que j'aurai satisfait en partie mon désir de me trouver chez vous. Présentement, je vais à Jérusalem pour le service des saints. Car la Macédoine et l'Achaïe ont bien voulu s'imposer une contribution en faveur des pauvres parmi les saints de Jérusalem. Elles l'ont bien voulu et elles leur devaient, car si les païens ont eu part à leur avantage spirituel, ils doivent aussi les assister dans les choses temporelles. Dès que j'aurai terminé cette affaire et que je leur ai remis ces dons, je partirai pour l'Espagne et je passerai chez vous. Je sais qu'en allant vers vous, c'est avec une pleine bénédiction de Christ que j'irai. Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur, afin que je sois délivré des incrédules de Judée et que les dons que j'apporte à Jérusalem soient agréés des saints. Isabelle? En sorte que j'arrive chez vous avec joie, si c'est la volonté de Dieu, et que je jouisse au milieu de vous de quelque repos. Que le Dieu de paix soit avec vous tous. Amen. Amen. Amen. Donc, l'apôtre Paul a un plan d'action pour son avenir. Il a planifié son affaire, puis il s'en va en Espagne. Une de ces places qu'il n'avait pas entendues, qu'il n'avait pas vues. Donc, lui, il va faire un petit détour, il va passer par Rome, aller voir les chrétiens. Oui, Daniel? Il dit, ayant depuis plusieurs années, il dit que ça fait longtemps qu'il a le désir d'aller voir, là. Oui, oui, oui. Il l'avait dit au chapitre 1. Ça fait longtemps qu'il demandait à Dieu la grâce, le privilège d'aller, mais il n'avait pas fini. Il savait qu'il devait finir son ministère là où il était. Mm-hmm. Et ensuite, ça, partir pour aller dans un autre pays où ça aurait pu être une autre ville. Paul voyait son ministère autour de l'Asie, dans ce coin-là où il était, là. Il a dit, je vais terminer ici, je vais mettre en place des païens, des anciens, je vais tout mettre en place, des choses, et là, ensuite, ça, je vais partir. Okay? Donc, Paul, dans sa pensée humaine, voit que l'Église peut se développer maintenant par elle-même, son ministère d'apôtre parmi les païens est terminé là. Il va aller jouer son rôle d'apôtre ailleurs, parmi les païens. Donc, c'est là qu'il décide qu'il va aller les voir. Okay? Il va aller les voir. Parce qu'il dit, il dit, je vais passer chez vous, car, là, il donne la raison pourquoi il va passer. OK? C'est pas juste qu'il veut faire. Il dit, car les païens, je vais y aller chez vous après, mais avant, j'ai quelque chose à faire à Jérusalem. Il faut que je fasse un détour par Jérusalem. Puis, il sait que c'est, à chaque fois qu'il est allé à Jérusalem, Paul, c'était pas facile. OK? Parce qu'il était l'apôtre des païens, c'était toujours un argument. C'était toujours un difficile. Là, je vous dis, difficile dans l'Église. Ouais. Hein, c'est ça que je vous avais amené au chapitre tout à l'heure, là, chapitre 13, quand on parlait des ennemis, quand on parlait des persécutions. Et je vous avais amené l'idée de l'Église. Hein, que c'est l'Église qui naît de la misère un peu entre les différentes races. Et là, il revient ici, on va en reparler. Là. Il dit, priez pour moi afin que les chrétiens reçoivent bien ce que je vais faire. Okay? Parce qu'ils ont de la misère à voir ce que je suis en train de faire. Puis quand on lit les actes, on voit que même Jacques va dire, les Juifs d'ici, les chrétiens, croient que tu prêches contre la loi. Bien, va au temple, fais des sacrifices pour apaiser. Okay? Il n'est pas en train de vouloir apaiser les Juifs non chrétiens. Il veut apaiser les Juifs chrétiens. OK? Il veut que la paix règne dans l'Église entre les païens et les Juifs. Il dit, car les Macédoniens et l'Achaïe ont voulu s'imposer une offrande. Donc, on ne sait pas si dans le texte comment ils ont su qu'il y avait des pauvres à Jérusalem. Comment est-ce qu'ils l'ont su? Probablement par des lettres ou par des gens qui voyageaient d'une église à l'autre. Daniel, c'est pas là. Patrick, vas-y. C'est pas là qu'il y avait eu la famine, là? Oui, c'est ça. Ouais. On l'a dans le chapitre 11, là, qu'il y a eu une famine sous Claude, là, et qu'il y a eu une offrande. L'apôtre Paul parle de cette offrande-là. On pense que c'est la même offrande, OK? Mais si c'est pas ça, le principe va rester quand même là. Ouais. Que les païens veulent démontrer, eux autres aussi, que les Juifs sont leurs frères. Mm-hmm. OK? Ils veulent démontrer qu'ils acceptent les Juifs comme des frères. Donc, il ramasse une offrande en Macédoine et en Achaïe. Donc, c'est assez volumineux, c'est assez grand comme espace. Et donc, l'apôtre Paul, d'église en église, ramasse des fonds. On le voit hein, dans les Actes des Apôtres. Il dit, vous avez mis de côté le premier jour de la semaine des offrandes pour les gens que je m'en vais voir à Jésus. Donc, il avertissait d'avance que je vais passer dans 2-3 semaines. Mettez un peu d'argent de côté pour que ce soit un acte de bon cœur, OK, que vous avez mis de côté des sous pour que je vais le mettre avec le restant du mogo, puis je vais l'emmener à Jérusalem, OK, pour donner ça aux Juifs à Jérusalem qui sont dans la misère. Mm-hmm. Donc, il dit, les païens reconnaissent qu'ils ont eu un privilège de participer aux choses spirituelles qui viennent des Juifs. C'est bon de reconnaître, le salut vient des Juifs. Jésus le dit à la femme samaritaine, le salut vient des Juifs. OK, le Messie est un Juif. Il sort des Juifs, oui. Ouais, c'est donc, il dit, les païens reconnaissent que le salut vient des Juifs. Vous leur avez partagé l'Évangile. Et Paul est un Juif. Les apôtres étaient des Juifs. Donc, les Juifs sont sortis de Jérusalem par la persécution, ils se sont répandus dans, dans les nations et ont amené l'Évangile avec eux. Donc, les païens reconnaissent qu'ils ont, comme il dit au verset, là, verset 27, les païens ont eu part à leur avantage spirituel. Donc, ils doivent aussi les assister dans les choses matérielles. Donc, ils démontrent ainsi une certaine forme de reconnaissance. Ils sont contents et heureux d'avoir, d'avoir reçu l'Évangile et ils vont participer à leurs besoins temporels ou matériels. Donc, c'est une belle manifestation que on vous voit comme des frères. Okay, on vous voit comme des frères et on veut vous aider. Parce qu'ici, le, je crois que les dons, ben, ils les envoient à l'Église. Il y avait, probablement qu'il y avait des pauvres en dehors de l'Église aussi, mais je crois que les, l'argent est pour les pauvres dans l'Église. Sûrement. Okay? Je crois que oui. Est-ce que l'Église va s'en servir pour aider des pauvres qui ne sont pas des chrétiens? Ben, ça, c'est leurs affaires, mais les païens l'envoient pour aider les chrétiens à ce moment-là. Donc, il dit là, il va faire une requête qui est un peu surprenante. Qui est un peu drôle, à prime abord, mais qui est en même temps important, parce que l'apôtre Paul semble y mettre une emphase au verset 30. Verset 29, il dit, j'y vais avec la pleine bénédiction de Christ. Là, je passe là un peu plus rapidement. Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi, à prier avec moi. Adressez à Dieu des prières en ma faveur. Tu veux qu'on demande quoi à Paul? Okay? Tu veux qu'on prie pour quoi à Paul? Il dit, je veux que vous priez, je sois délivré des incrédules de la Judée. Okay? Les incrédules ici, je ne crois pas qu'ils parlent des Juifs incrédules, des Juifs qui ne croient pas à l'Évangile, mais des Juifs qui ont de la difficulté à accepter les païens dans l'Église comme eux autres. Ils sont incrédules face au ministère de Paul, face au ministère que les païens ont les mêmes droits qu'eux autres. C'est dans ce sens-là que je pense que c'est le mieux de prendre. Okay? Parce que l'apôtre Paul, je crois que oui, l'apôtre Paul aurait pu demander, prier que Dieu me garde quand je vais annoncer l'Évangile chez les païens et qu'à travers cela, que je puisse continuer mon ministère. Je crois qu'il aurait pu le, pourrait le demander. Il le demande dans Galates à un moment donné, qui dit « Priez afin que j'aie de la hardiesse quand j'annonce l'Évangile ». Il leur demande aussi. Mais ici, je crois que le contexte m'amène à penser que c'est plutôt les, ceux qui ont de la difficulté dans l'Église, comme on voit dans les Actes des Apôtres, ces chrétiens juifs, surtout les plus zélés pharisiens qui s'étaient convertis, les prêtres, parce qu'il y avait des prêtres qui s'étaient aussi convertis, ces gens-là étaient un peu plus difficiles à convaincre que les païens avaient leur place. Et là, il rajoute, et que les dons que j'apporte à Jérusalem soient agréés des saints. Des fois, je dis ça en riant, là, mais c'est assez rare qu'on ait de la misère à agréer de l'argent quand elle arrive. Mm-hmm. Habituellement, quand tu arrives avec 1 000 $ pour un don, les gens vont l'accepter. Okay? Mm-hmm. Mais ici, c'est parce que ça vient des païens. C'est ça, oui. Okay, ça vient des païens. Je pourrais faire le lien, je pense que je me donne le droit de faire ce lien-là. C'est comme offrir de la viande qui aurait été sacrifiée à des idoles. Un juif aurait dit, j'ai bien de la misère à manger ça. Ouais. Bien de la misère à manger ça. Même si je sais dans ma tête qu'il n'y a pas d'idole et que ce n'est pas vraiment, j'ai bien de la misère à manger cette viande-là. Okay, ça aurait été difficile pour eux autres. Mais ici, c'est la même chose, ça vient des païens, on doit-tu l'accepter ou pas? Mmh. Parce qu'ils savent qu'en acceptant l'offrande, ils acceptent ces gens-là comme des frères. Ben oui. OK? Ils sont pas là présents, mais si on accepte l'argent et on bénit Dieu pour les frères qui nous envoient des dons pour nous aider, on les reconnaît comme des frères. Mmh. OK? Si on dit non à leurs argent, c'est qu'on est en train de dire non, on n'accepte pas ces gens-là comme des frères dans la foi. Donc, c'est un grand pas qu'ils vont faire. Mais c'est pas que l'apôtre Paul, il dit, priez avec moi que Dieu puisse aider les frères et sœurs de Jérusalem, surtout ceux qui ont de la misère, à bien me recevoir avec les dons, qu'ils acceptent de vous voir comme des frères et sœurs, que vous les aimez, que vous les chérissez, que vous êtes reconnaissants que l'Évangile s'est rendu chez eux. Parce que quand Paul a parti, il est parti avec la bénédiction des églises, avec les offrandes des églises déjà qui étaient en place. Donc, s'il n'y avait pas eu ces Juifs-là qui avaient emmené Paul, qui avaient poussé Paul, qui avaient soutenu Paul, bien, l'Évangile ne serait pas rendu ailleurs. Je me souviens une fois, ça fait longtemps, là. Je ne dirais pas là, ça fait longtemps. Je dirais 35 ans au moins, là. OK? C'est pas 40 ans. J'étais dans l'église à Vitréville dans le temps. Et il y avait quelqu'un qui était là, qui était un peu anti-association. Il y avait de la misère avec l'association des églises baptistes. Puis, j'ai dit, on peut, c'est pas parfait. Mais sans eux, on n'aurait pas entendu l'Évangile. Là. Sans ces gens-là qui sont venus de l'Ontario et des États-Unis et qui sont venus ici, payés par des Anglais, puis avec des biens matériels et de l'argent, puis sont venus ici annoncer l'Évangile au Québec. Sans eux, on n'aurait pas là, l'Évangile. Là. Ce n'est pas l'Église catholique qui nous aurait annoncé l'Évangile. Ce n'est pas les témoins de Jéhovah qui étaient là qui nous auraient annoncé l'Évangile non plus. Donc, ils sont imparfaits. C'est tout de même nos parents spirituels, là. OK? Et je crois que c'est la même idée ici. Les Juifs, les païens, il n'y a personne de parfait. Mais c'est tout de même eux qui nous ont amené l'Évangile et on est reconnaissants. Donc, on veut les aider et on va les aider dans leur misère ou dans leurs besoins matériels à ce moment-là. Et l'apôtre Paul dit « Priez! » Priez parce qu'on va franchir un pas, là. Si l'Église accepte les dons qui arrivent, qui agrée avec joie cet argent-là, on a franchi un grand pas. C'est la paix entre les païens et les juifs. C'est la paix dans l'Église. Entre les païens et les juifs. Et les gens qui sont dans les églises vont voir ça d'un bon œil et ça va favoriser la paix entre eux autres dans l'Église. Donc, et l'apôtre Paul dit, si ça marche, puis si Dieu voulait que ça va bien, au verset 32, il dit, je vais arriver chez vous avec la joie. Ouais. Mais s'il me refuse, puis s'il refuse l'argent, puis qu'il me rejette, puis que ça ne marche pas, puis ça cause encore des problèmes, je vais avoir de la tristesse dans mon cœur. Il dit de la joie, puis à la fin, il dit de repos. Il va jouir du repos. Oui, c'est ça. Donc, tu dis, je vais prendre un peu de vacances chez vous. Je vais prendre une relax chez vous. Je vais prendre un peu de temps de repos, c'est comme il dit. Décompressé. Et ça, c'est pour l'apôtre Paul. On voit quand on lit ses lettres, il y avait vraiment ça à cœur. Que l'Église... autant juifs que païennes se tendent la main et font la main. Et ça, ils trouvaient ça important de faire ça. Et je crois que c'est... Donc ça termine nos arguments en faveur que les païens ont leur place dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu en tant qu'égaux avec les juifs. Et ils sont heureux, comme nous on est heureux, que on a reçu l'Évangile et que maintenant on est reconnaissant à ces gens. On donne toute la gloire à Dieu pour le ministère. Donc, ça, c'est la fin ici de l'argument, malgré qu'au chapitre 16, il va encore aller un peu dans cette direction-là, mais il va le faire d'une façon beaucoup plus... beaucoup moins doctrinale, si je pourrais dire. Parce qu'au chapitre 16, il va juste faire des babayes à tout le monde. Il va faire des babayes pendant 20 versets de temps. Là. Saluer, saluer, saluer, saluer, saluer, saluer. Mais on va voir ensemble que ça m'a pris du temps à comprendre qu'il saluait des gens de toutes les races. Mm-hmm. Des hommes et des femmes et des juifs et des non-juifs. Il les appelle ses frères, ses sœurs. Il les appelle que lui, il démontre que lui fait partie d'une grande famille qui a des hommes et des femmes, des païens, des juifs là-dedans, qui est heureux, qui considère, puis les appelle ses compagnons d'œuvre, puis les appelle ses frères. Donc, on va voir ça la semaine prochaine. Super. Mais ça, c'est, ça, ça met une fin jusqu'à certains points à notre argument de la justification par la foi sans les œuvres. Et ça, mes frères, mes sœurs, c'est le grand combat de l'Église de garder cette doctrine-là comme centrale dans l'Église. Mm-hmm. De toujours vouloir garder que c'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Et comme on a vu au chapitre 14 et 15, laisser la liberté aux gens d'exprimer la foi comme ils veulent bien l'exprimer. En mangeant ou en mangeant pas. En travaillant ou en travaillant pas. En faisant certaines fêtes, puis en faisant pas certaines fêtes. Mais de donner cette liberté-là à tout le monde, de dire, moi, je mange pas pour Dieu. Je suis végétarien pour Dieu. Moi, je travaille pas le sabbat, c'est pour Dieu que je le fais. Moi, je travaille le dimanche, c'est pour Dieu que je le fais. Moi, je travaille pas le dimanche, c'est pour Dieu que je le fais. Donner cette liberté à l'Église d'exprimer sa foi pour la gloire de Dieu. Et cette grande variété-là d'expression de la foi que Paul nous encourage à garder pour nous-mêmes, cette foi que tu l'as, garde-la pour toi, OK? L'impose pas aux gens. Donc, mais en même temps, ne te laisse pas non plus imposer que toi, tu dois abandonner la tienne, ta foi. OK? Garde-la pour toi, ta foi. Mais aussi, laisse-toi pas dire que tu n'es pas croyant à cause que tu ne pratiques pas ta foi de la même façon. Et c'est ça qui était merveilleux dans cela. Et quand on voit des fois certains textes dans les Actes ou dans les Épîtres, il faut faire attention de ne pas amener l'argument quand Paul est en train de parler qu'il fait certaines choses pour atteindre les gens qui se convertissent, de ne pas les appliquer dans l'Église. Quand il dit, mettons, j'ai fait circoncire Timothée, ce n'est pas dans l'Église, ce n'est pas pour l'Église qui fait ça, c'est pour aller parmi les non-chrétiens, juifs, pour les qui s'en viennent dans l'Église. Quand il dit, je me suis fait à tous, ben c'était surtout pour emmener les gens dans l'Église. Et non pas, je me suis fait à tous dans l'Église. Parce que son argument, c'est, chacun devrait s'accepter dans l'Église différemment. Parce que là surtout, je parlais avec mon garçon cette semaine, puis il dit, dans son église, où ce qui est, là, je pense qu'ils sont 22 nationalités différentes à Laval, et il dit, c'est toutes les couleurs, ben, il y en a toutes les couleurs. Puis il dit, c'est, chacun, là, chacun de sa petite façon. Là. Mm-hmm. Et il dit, ça bouge même des fois au niveau des fréquentations. Dit, ma fille est là, elle a 18 ans, mon garçon est là. Il faut faire attention comment est-ce qu'ils vont fréquenter, parce que dans d'autres cultures, les fréquentations, ce n'est pas pareil. Okay? Donc, il faut respecter ces chrétiens-là qui ont une autre approche à la pratique des... Parce que le royaume de Dieu, ce n'est pas les fréquentations. Donc, je ne dois pas mettre un blocage là-dessus, mais ce n'est pas si évident que ça. Des fois, sans s'en rendre compte... On pèle sur le pied des orteils de quelqu'un, là, sans s'en rendre compte. Des fois, c'est le manger, des fois, c'est ci, des fois, c'est ça. Donc, il faut faire attention hein, à comment on agit, mais donnez-vous de la place. J'ai parlé de ça avec lui, le chapitre 14-15, de se donner de la place dans notre expression de notre foi. OK? Donc, on va terminer par la prière, puis j'aimerais ça vous parler après. J'avais une question que Daniel m'avait posée, là, puis j'aimerais revenir là-dessus. OK? D'accord. On va terminer par la prière. Daniel, veux-tu terminer? Oui. Seigneur notre Dieu, tu es grand, tu es bon, tu es tout puissant, tu es glorieux. Il t'a plu, Seigneur, de venir parmi nous, de nous racheter afin de faire de nous tes enfants, afin que tu sois glorifié. C'est bon, Seigneur, de te servir. C'est bon de te voir, de voir ce que tu fais dans ce monde. C'est encourageant de parler ensemble, de s'encourager, de scruter tes écritures, ton écriture, et de constater à quel point tu es tout-puissant, tu es souverain, Tu nous dépasses, Seigneur. Et nous sommes émerveillés par ta parole. Merci de ce petit groupe qu'on peut être ensemble avec la technologie et qu'on puisse s'encourager ensemble en étudiant ta parole. Amen. Amen.